Bah oui. Thank you.

Moi je m'en balance. Ah c'était bon. Bon. Si on se faisait un petit morceau. C'est cool. Bon, mais il se fait tard.